The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To go for a stroll. Se promener. Your wish is my command. Vos désirs sont des ordres. Seems. Paraître. Authentic. Authentique. Artisans. L'artisan. Transmit. Transmettre. Instructions. La consigne. Refreshment. Le rafraîchissement. Heat. La chaleur. Castle. Le château. Now, a bit faster. Refreshment. Le rafraîchissement. Transmit. Transmettre. Seems. Paraître. Transmit. Transmettre. Authentic. Authentique. To go for a stroll. Se promener. Instructions. La consigne. Artisans. L'artisan. To go for a stroll. Se promener. Seems. Paraître. Heat. La chaleur. Refreshment. Le rafraîchissement. Heat. La chaleur. Castle. Le château. Your wish is my command. Vos désirs sont des ordres. Authentic. Authentique. Heat. La chaleur. Castle. Le château. Now, use the words in context. Se promener. It's nice to go for a stroll on a beautiful summer night. C'est agréable de se promener pendant une belle nuit d'été. Paraître. That man seems shady to me. Cet homme me paraît louche. Transmettre. I sent him the file yesterday. Je lui ai transmis le dossier hier. La consigne. Here are the instructions to follow in the event of a car accident. Voici les consignes à suivre en cas d'accident de voiture. La chaleur. It's terribly hot. Il fait une chaleur épouvantable. Se promener. It's nice to go for a stroll on a beautiful summer night. C'est agréable de se promener pendant une belle nuit d'été. Paraître. That man seems shady to me. Cet homme me paraît louche. Transmettre. I sent him the file yesterday. Je lui ai transmis le dossier hier. La consigne. Here are the instructions to follow in the event of a car accident. Voici les consignes à suivre en cas d'accident de voiture. La chaleur. It's terribly hot. Il fait une chaleur épouvantable.